Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 10 avril 2018. Voici les grands titres de cette édition. Une vingtaine de personnes, dont des militaires et policiers, ont été appréhendées la nuit dernière dans le quartier Tcharama, en mairie de Bujumbura. Des soupçons de déstabilisation pèsent sur eux. On aura les précisions du porte-parole du ministère de la Sécurité publique dès le début de ce journal. Et le professeur Julien Nimubona trouve inopportun l'agrément des associations claniques. Pour lui, les conséquences ne seraient que les mêmes que ceux produits par durant les régimes passés basés sur un système de gouvernance basé sur la promotion des ethnies, à savoir le favoritisme et la violence. L'intervention du professeur Julien Nimubona était consécutive au constat que ces derniers jours, on remarque la promotion de ce genre d'association. Et après quelques jours de pénurie d'essence, ce carburant est maintenant disponible selon le porte-parole du ministère de l'Énergie qui rassure qu'il n'y a pas de hausse de prix en vue des produits pétroliers. Aucun lien non plus avec les craintes exprimées par la grande importatrice de produits pétroliers Interpetrol sur le manque de devises et les impayés du gouvernement pour le fonctionnement de la centrale thermique de 30 MW. Voilà pour le sommaire de ce journal, mis en note par Séraphine Akiziman. Bonjour. 21 personnes, dont deux officiers de la police et un officier de l'armée burundaise, ont été arrêtées dans la nuit de ce lundi à Tcharama. Le porte-parole de la police dit que ces personnes étaient dans une réunion qui aurait pour visée de perturber la sécurité. Pierre Mourikiye dit que la police a été alertée par la population. Suivez-le. 21 personnes et la plupart sont des civils. Il n'y a que deux officiers de la police nationale du Burundi, un officier de la force de défense nationale du Burundi et un militaire pensionné. Le reste sont des civils et ils ont rendu hier vers 18h dans un ménage de quelqu'un à Tcharama. Alors les forces de sécurité sont intervenues et ont appréhendé ces personnes et qui sont maintenant sous l'enquête pour pouvoir savoir ce que ces personnes font et faisaient dans ce ménage. Ils ont été appréhendés parce qu'ils étaient suspectés de tenir des réunions visant la perturbation de la sécurité, d'après les dires de la population qui a alerté les forces de sécurité. Donc avec l'enquête, on pourra vous préciser de quoi ils sont accusés. Voilà, c'est le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Mourikiye, que la rédaction vient de joindre à l'instant. La promotion des clans sociaux dans la gouvernance du Burundi ne produirait aucun avantage. Selon le professeur politologue Julien Nimubona, les conséquences se manifestent lorsque des clans se mêlent à la politique, comme dans des régimes monarchiques. Cela a été même le cas au Burundi durant les Première et Deuxième Républiques. Il souligne que les résultats sont les mêmes que ce que l'on constate dans un système de gouvernance basé sur la promotion des ethnies, à savoir le favoritisme et la violence. Pour Julien Nimubona, l'agrément des associations de clans n'a pas de sens et cette analyse, le rappelle, intervient après le constat que plusieurs associations claniques sont en train de naître au Burundi. Suivez les éclairages du professeur politologue Julien Nimubona. À l'origine des sociétés organisées, il y a les familles, il y a les clans, les lignages, et puis au niveau des agrégats, les ethnies. La question se pose en fait à partir du moment où ces identités-là sociales tentent de devenir politiques. Dans ce cas-là, toutes les identités deviennent conflictuelles parce que ces identités en viennent à la lutte pour le contrôle du pouvoir. Mais non, on parle d'une paix sociale existante à l'époque de la monarchie parce que la société était organisée en clans. Eh bien, oui et non. Oui, il n'y a pas eu de guerre majeure fondée sur la confrontation entre les clans. Mais en réalité, si on regarde le fonctionnement du pouvoir politique monarchique, eh bien, c'est un pouvoir fondé, c'est vrai, sur les clans. Donc, où il y a exclusion de certains clans et la faveur d'autres. Par exemple, on sait très bien que les clans d'origine Hima étaient exclus de la cour royale. Au fond, la première république, la deuxième république, la troisième même, c'est bien. On a dit que ce sont les Tutsis qui sont au pouvoir. On a même parlé de régions, ce sont les Banyaruguru par exemple. Mais en réalité, quand on va en profondeur, on se rend compte qu'il s'agit essentiellement de régimes claniques. On parlait de Bururi, mais en réalité, on n'entrait pas en profondeur. Au niveau politique, je le dis, je le répète, les clans fonctionnent comme les ethnies. C'est l'exclusion et c'est la violence. J'ai vu des gens qui s'organisent, qui vont chercher un agrément. Tout ça est ridicule. Que des clans existent en dehors d'une reconnaissance légale, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'un enfant qui naît doit aller dire qu'il est autour ou Mega ou Motare ou... Non, non. Il est par appartenance sociale. Nous ne sommes pas dans les sociétés traditionnelles. Si nous voulons replonger dans les sociétés sans État, eh bien, oui, allons-y avec nos clans. Le professeur Julien Nemouona sera aussi l'invité de la rédaction à la fin de ce journal. Et le ministère de l'Intérieur demande à la coalition Miséroya Barundi de ne pas plaider pour ceux qu'il qualifie de malfaiteurs. Terence Nahiraja, assistant du ministre de l'Intérieur, rejette en bloc les propos du président du groupe parlementaire de la coalition Miséroya Barundi, qui font savoir que leurs partisans sont malmenés et justement arrêtés sur base de soupçons selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Ces propos sont habituels et visent à se faire entendre. Suivez l'assistant du ministre de l'Intérieur au micro de Charles Makote. C'est un langage, je dirais, des membres de Miséroya Barundi qui ont toujours tenu depuis la veille des élections de 2015 jusqu'aujourd'hui pour se faire publicité, tout le monde le sait. Et au niveau du gouvernement, au niveau de la loi, il n'y a aucune personne qui est menacée ou bien qui est sanctionnée justement parce qu'il appartient à telle formation politique ou à une telle religion ou à une telle association. En aucun cas, un malfaiteur est un malfaiteur et toute personne qui commet une erreur, qu'il soit un membre du parti au pouvoir et les autres partis, il est sanctionné conformément à la loi sans distinction aucune. Je comprends mal comment les gens de Miséroya Barundi, ce sont les seuls parmi les politiciens qui se ramènent comme quoi il y a une justice qui est faite entre eux. C'est faux et archifaux. C'est une manière de se faire vibrer, de se communiquer, de montrer qu'ils existent encore. Lorsque un administratif lors d'une réunion de sécurité interdise que les gens ne peuvent pas transporter une personne de Miséroya Barundi, est-ce que là, ils n'ont pas raison? Ça, c'est faux et archifaux parce que dans tous les rapports que nous avons de sécurité et de toutes les communautés du pays, même toutes les provinces du pays, il n'y a dans aucun rapport où c'est mentionné de tels propos. Je pense que ce sont des mésententes entre les personnes qui commencent à raconter des rimes, des mensonges, qui ont la haine entre eux. Sinon, il n'y a aucun message de telle manière qui est donné par un administratif au niveau de la réunion de sécurité. Ça, c'est faux, c'est archifaux. Ce sont des rimes, ce sont des mensonges. Et s'il arrivait que des cas soient vérifiés, qu'est-ce que vous conseillez aux uns et aux autres? Et merci beaucoup de poser la question. Donc, cela, d'abord, s'il y a un cas qui serait arrivé, en tout cas, ce n'est pas dans la réunion officielle, ce sont peut-être des personnes qui se haïssent entre eux et qui l'ont fait. Et celui qui l'a fait n'a aucun droit, qu'il soit des partis au pouvoir ou d'autres partis politiques, chacun doit respecter l'autre et cela de manière mutuelle. Terence Nahiraja, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Captez Isanganilo, écoutez la différence. L'essence est maintenant disponible, et ce depuis samedi, après une carence de quelques jours due au fête de Pâques, comme l'avait expliqué le porte-parole du ministère de l'Énergie et des Mines. Leonidas Sindai Gaya rassure qu'il n'y a pas de hausse du prix des produits pétroliers pour l'instant. Il nie en outre tout lien de la pénurie qui s'observait avec la correspondance de la société Interpétrole qui fait état d'un manque de devises et d'arriérés. Quant au fonctionnement de la centrale thermique de 30 MW, cette société étant la grande importatrice de produits pétroliers au Burundi. Suivez Leonidas Sindai Gaya au micro de Mireille Kanyang. La situation, effectivement, comme je vous disais, la situation s'est nettement améliorée. Le carburant est arrivé depuis samedi, dimanche, le carburant est arrivé comme à l'accoutumée. Et seulement, comme il y avait eu ce petit problème au niveau de la fourniture des stations-service, ça prend un peu de temps. Au moment où je vous parle, hier, j'ai pu visiter certaines stations. Aujourd'hui, même, la situation se renormalise. Au ministère, vous nous parlez de certaines fêtes qui font que le carburant n'arrive pas comme il faut, mais vous l'avez dit maintes fois, qu'est-ce que vous faites au niveau du ministère pour que ces différentes fêtes n'handicapent pas l'approvisionnement en carburant? Je pense que la solution durable pour qu'effectivement on ait une certaine stabilité, que d'avoir un stock stratégique. Une certaine opinion pense à une probable hausse des produits pétroliers avec cette pénurie qui s'observait, est-ce le cas? Au moment où je vous parle, ce n'est pas le cas. La dernière hausse qui a eu lieu résulte des cours mondiaux de pétrole. Les concernés ont dû s'asseoir pour voir si cette variation au niveau mondial ne devrait pas avoir des répercussions au niveau national. C'est ce qui a été fait. La semaine passée, nous avons vu une correspondance de la société Interpétrole qui a quasiment le monopole d'importation des produits pétroliers. Est-ce que cette pénurie n'aurait pas de lien avec les problèmes soulevés par la société Interpétrole, dont le manque de devises? Personnellement, tout en étant porte-parole du ministère de l'Énergie et des Mines, je n'ai pas vu la correspondance. Mais vous avez été signifié. Je suis en congé, en fait. Je n'ai pas vu la correspondance. Mais de toutes les façons, je dois d'abord démentir en disant que l'Interpétrole n'a pas le quasi-monopole de fourniture du carburant, parce que au niveau des allocations des devises pour les importateurs, à la fois passée, on a donné à 9 sociétés. Mais de toutes les façons, s'il y a un problème quelconque, je pense que la solution et ce qui devra être fait, c'est de s'asseoir ensemble avec Interpétrole, avec le ministère des Finances, avec notre ministère, pour voir la solution. De toutes les façons, une solution devra être trouvée si problème il y en avait. Léonidas Sindaïgaya, porte-parole du ministère de l'Énergie et des Mines, au micro de Mireille Kanyang. La commission Vérité et Réconciliation recommande aux représentants des natifs de la mairie de Bujumbura de sélectionner les personnes intègres qui vont procéder au recueillement des dépositions sur la crise qui a meurtri le Burundi depuis l'indépendance jusqu'en 2008. Cet appel est du secrétaire général de la CVR, maître Clotilde Niragira, au terme de la réunion qu'elle a tenue à l'intention des administratifs, des représentants de la société civile, des confessions religieuses et des représentants des natifs en mairie de Bujumbura. Suivez plutôt maître Clotilde Niragira. L'objectif ultime était que nous puissions nous entendre sur d'abord les critères de recrutement, de sélection des agents de déposition que nous allons devoir envoyer dans les zones de la mairie de Bujumbura pour pouvoir écouter les doléances des déposants, des victimes, que ce soit victimes directes, que ce soit victimes indirectes, des déposants, des témoins, les déposants des présumés auteurs qui auraient commis de tels crimes malgré eux peut-être, mais qui veulent venir dire quelque chose à la commission Vérité et Réconciliation pour qu'eux aussi soient soulagés et pour viser justement, pour que la commission puisse viser la découverte de la vérité, mais aussi la réconciliation du peuple burundais. Alors, nous sommes entendus que nous devons choisir des personnes intègres, des personnes discrètes, des personnes capables de garder secret. Parce que c'est une activité qui est hautement délicate et nous devons tenir compte de cette qualité-là pour nos agents de déposition. Nous avons demandé que l'on puisse nous proposer des personnes qui ne dépassent pas, 65 ans, pour nous rassurer que nous choisissons des personnes vraiment dynamiques, mais qui ne sont pas en dessous de 35 ans. Pour être rassuré de la qualité de ces gens-là. Et puis, nous avons demandé que l'on nous propose également des personnes qui ont suivi une formation, une qualification, c'est-à-dire qui ont un niveau A2 au minimum, ou équivalent, humanité générale ou D7, mais ils peuvent nous proposer également des personnes qui ont un niveau élevé, comme niveau licencié, niveau docteur. Tout cela, on va devoir accepter, mais pas en dessous du niveau A2 ou équivalent. Et l'initiative à résultat rapide adoptée dans la feuille de route actualisée, telle est la stratégie annoncée par la ministre des Droits de la Personne Humaine lors d'une conférence de presse ce mardi sur le projet de retirer de nouveau les enfants de la rue. Martin Nivziabandi indique qu'ils ont pris des mesures importantes pour que ce projet réussisse, tel que le suivi des autres acteurs de la protection de l'enfant ainsi que le suivi post-réinsertion. Le retrait des enfants de la rue, c'est que ça avait été déjà pensé, ça a été toujours pensé sous forme de projet. Et ce sont des projets qui étaient montés dans les capitales occidentales. Une ONG, dans sa tour d'ivoire, il va préparer un projet pour retirer les enfants de la rue au niveau du Burundi. Mais aussi les ONG au niveau local ont privilégié la construction, la mise en place des centres où on mettait ensemble les enfants. Mais vous pouvez retirer combien d'enfants avec les centres? Une centaine peut-être, mais quand le nombre croît, vous devenez de plus en plus incapable à faire face à ce phénomène. Nous avons pensé, dans le cadre de la solidarité communautaire, au niveau des communes, que les enfants soient réinsérés dans les communautés d'origine. un enfant dans le parc commune ou un enfant par colline avec des comités de protection des enfants, ce n'est pas irréalisable. On a trouvé que c'est réalisable puisqu'on a déjà fait, on a déjà mené une opération pilote et ça a donné des résultats tangibles, des résultats très encourageants. La sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive chez les femmes balayeuses de la mairie de Bujumbura s'avère plus que nécessaire, comme le disent certaines d'entre elles. C'était ce mardi, lors d'une séance organisée par le Fonds des Nations Unies pour la population. Suivez plutôt Annabelle de Doussavé, une de ces femmes. Elle est traduite par Gertrude Mawenayo. Ce sont des enseignements qui viennent à point nommé. On en avait beaucoup besoin. Ça nous informe aussi beaucoup de choses dans nos foyers, comme les violences sexuelles basées sur le genre et l'espacement des naissances. Ce sont vraiment des bonnes choses. Moi, j'utilise les méthodes contraceptives déjà, mais il y a d'autres choses que je ne savais pas jusque-là. Nous avons pu connaître que même un homme peut utiliser ces méthodes s'il en discute avec sa femme ou bien vous pouvez utiliser le préservatif sans recourir à d'autres méthodes. Moi, personnellement, je n'ai pas encore rencontré de difficultés dans l'utilisation des méthodes contraceptives. Mais si j'ai des inquiétudes, je vais voir les médecins et ils me donnent des éclaircissements. Je me suis entendue avec mon mari pour qu'il me donne l'autorisation parce que si une femme décide de le faire sans le consentement de son conjoint, ça cause souvent des problèmes. Quant à celles qui disent que les méthodes contraceptives présentent des effets secondaires sur leur santé, Sadiki Nyongourou, chargée de la communication au Programme national de santé sexuelle et reproductive, les tranquillise. Les méthodes contraceptives, c'est un produit. Comme tout produit, il y a d'abord l'effet primaire. L'effet primaire, c'est de sauver la santé des patients. Mais aussi, il y a ce que nous appelons les effets secondaires qui sont du moins traitables. Et comme tout produit qui peut présenter ces effets, nous pensons que les méthodes contraceptives ne sont pas aussi épargnées parce que ce sont des produits. Mais nous préparons les clientes sous ces méthodes que si un tel effet se présente, de consulter directement les prestataires de soins pour qu'on puisse leur prodiguer des conseils relatifs. Comment la patiente doit se prendre quand il arrive qu'il développe un effet secondaire. Et je peux vous rassurer que quand nous parlons des effets secondaires sur les méthodes contraceptives, ce sont des effets secondaires traitables. Et ce ne sont pas toutes les femmes qui développent les effets secondaires sur une méthode. C'est comme si vous prenez un médicament, tout le monde ne développe pas des effets secondaires. À la source, interview. Comme annoncé dans ce journal, c'est le moment de l'invité de la rédaction, le professeur politologue Julien Imouona. Il s'entretient avec Oban Nyongourou sur les systèmes de gouvernance sur base clanique. Professeur Julien Imouona, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, il y a une certaine promotion de clans sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, ce système de clans, ça aurait une plus-value dans la vie politique du pays? Ce système serait bénéfique ou bien quels seraient ses méfaits? L'histoire des clans, c'est une histoire anthropologique et historique assez banale. À l'origine des sociétés organisées, il y a les familles, il y a les clans, les lignages, et puis au niveau des agrégats, les ethnies. La question se pose en fait à partir du moment où ces identités-là sociales tentent de devenir politiques. Dans ce cas-là, toutes les identités deviennent conflictuelles parce que ces identités en viennent à la lutte pour le contrôle du pouvoir. Mais non, on parle d'une paix sociale existante à l'époque de la monarchie parce que la société était organisée en clans. Eh bien, oui et non. Oui, il n'y a pas eu de guerre majeure fondée sur la confrontation entre les clans. Mais en réalité, si on regarde le fonctionnement du pouvoir politique monarchique, eh bien, c'est un pouvoir fondé, c'est vrai, sur les clans. Donc, où il y a exclusion de certains clans et la faveur d'autres. Par exemple, on sait très bien que les clans d'origine Hima étaient exclus de la cour royale et que d'autres clans majeurs, eh bien, qu'on appelait chez les Batutsi, Banyarugu, étaient plus choyés. Je te la voudrais dire qu'après le système monarchique fut un temps où ces identités sociales étaient mêlées à la politique. Au fond, la première république, la deuxième république, la troisième même, c'est bien, on a dit, ce sont les Tutsis qui sont au pouvoir.